Puis là, ça m'a mis en dépression. En tout cas, bref, là, ça a continué à mal aller. Puis c'est ça. Puis là, en 2006, j'ai été diagnostiquée comme étant bipolaire. Et suite à ça, c'est ça. Suite à ça, on m'a donné des ressources. On m'a parlé de l'endroit ici. Alors, je suis venue ici. Puis tranquillement, j'ai utilisé toute leur... Ici, chez Doris. Et tranquillement, j'ai utilisé leur service, là. Vous venez tous les jours ici? Si je viens souvent? Je viens pas nécessairement très souvent, parce que c'est loin un peu de chez moi. Maintenant, je peux venir plus souvent parce que maintenant, j'ai le transport adapté qui appelle. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, j'ai un taxi qui vient, qui m'amène ici, puis qui vient me chercher d'ici, puis qui m'amène chez moi. Parce que j'ai beaucoup de difficultés physiques. Alors là, maintenant, grâce à ce service-là, bien, je peux venir plus souvent. Est-ce que ça vous avait surpris à quel point toutes les choses se sont enchaînées après votre opération? Par exemple, le fait de perdre votre travail et puis ensuite... C'est sûr que ça a été vraiment vite, mais comme je dis, à cause de l'opération, des deux opérations puis des médicaments, j'étais comme... je pouvais pas être dans ce genre de réflexion-là, OK, parce que j'étais pas bien. Fait que j'arrivais pas, je pouvais pas comme raisonner raisonner ma situation, mettons, parce que j'étais pas assez bien pour ça. Merci vraiment beaucoup pour avoir partagé votre histoire. Je pense que maintenant, je veux vous inclure dans la conversation aussi, mais si on parle de l'été, par exemple, si ça vous intéresse de continuer à faire partie de la conversation, ça serait... Si on va continuer en parlant de l'été, je pense, c'était ça le thème qui a été proposé, mais je ne sais pas si ça vous intéresse de continuer à nous parler. Ouais. Alors... C'est l'été, aujourd'hui. On pourrait dire que ça commence à... Ça vous fait penser à quoi, l'été? L'été, ça me fait penser à la plus belle saison de l'année. Chaque été, quand j'étais jeune, mineure, j'allais me baigner matin, après-midi, à cause du soleil, puis l'eau. Mais j'adore l'été, le soleil surtout. Vous avez grandi où, que vous pouviez nager deux fois par jour? Ben, j'ai grandi dans une ville montréalaise, à La Salle. Et il y avait des piscines avec 12 pieds, 6 pieds, 3 pieds. J'ai commencé à y aller, puis je plongeais, j'ai appris à plonger sur les tremplins, sur le bord de la piscine. Puis ça, c'était juste l'été que je faisais ça. Ça vous fait penser à votre jeunesse l'été? Oui, beaucoup. Et cet été, vous avez prévu des choses? Ben, cet été, je peux encore aller dans les piscines de Montréal. J'adore l'été, c'est chaud. On est bien, on gèle pas comme l'hiver. Ça c'est clair. Hein? Est-ce que ça vous donne envie de sortir de la ville de Montréal un peu? Oui, souvent, oui. Aller me promener en voiture, visiter d'autres villes. Ça, faire ça l'hiver, c'est pas comme l'été, tu sais. On voit les champs. L'été, on voit les arbres, les fleurs. C'est très attirant. Est-ce que vous êtes déjà allé dans les autres endroits dans le pays ou dans le monde pendant l'été? Si, j'ai déjà été où? Dans les autres endroits dans le monde ou au Canada? Ben, j'ai visité plusieurs pays. Oui, l'été, j'allais jamais l'hiver. En France, en Belgique. Vous en avez pensé quoi? Ben, c'était des belles places. On rencontre souvent des amis plutôt l'été que l'hiver aussi. Quand on se promène, les gens sont plus attirés à nous parler, à se faire des amis aussi en été. Est-ce qu'il y a des choses qui changent chez Doris pendant l'été? Est-ce qu'elles font des choses différemment ou différentes? Ben, je pense qu'ils ont des activités. mais il y en a aussi dans d'autres saisons ici. C'est surtout la même chose, oui. Est-ce que j'imagine que ce que vous faites pendant l'été, ça a changé depuis votre jeunesse? Oui, ça a changé parce que quand j'étais jeune, comme je disais, j'allais souvent me baigner. Mais quand j'ai commencé à être majeure, il a fallu que je travaille. Fait que ces activités-là, ils ont été coupées, mais je m'ennuie beaucoup. Et j'espère... Avec le travail, vous voulez dire? Avec le travail ou les autres affaires que j'avais à faire m'empêchaient souvent d'aller me baigner. J'avais un appartement, ce qui me tenait plus souvent chez moi que quand j'étais jeune, quand j'avais une famille, puis que j'allais surtout me baigner, ouais. Et des fois, c'est plus facile de se motiver, de sortir quand il y a plein d'autres gens, la famille qui sortent aussi. Est-ce que vous pensez? Que oui, il y a plusieurs gens qui sortent beaucoup l'été, puis qui vont se baigner aussi, parce que quand j'allais me baigner, les piscines l'été étaient complètement pleines de gens. Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que pour vous, les hivers au Québec, c'est dur? C'est quoi? Dur, difficile. Certains hivers ont été durs à cause des tempêtes de neige, mais c'était pas si dur à vivre, mais on faisait moins d'activités que l'été, tu sais. Pour moi, je trouve que les hivers sont vraiment assez difficiles, comme il n'y a pas de soleil. Ça me plaît tellement de voir le soleil et tout. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur l'été? Attends, Manu. Merci à vous. Bon. Alors, Monique, raconte-moi l'été. Qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, moi, l'été, là, j'aime bien me promener. Surtout, j'aime ça aller à côté de l'eau. J'adore. Je ne sais pas nager, par exemple. Mais j'aime me mettre à côté de l'eau, m'asseoir. C'est tout calme. Et ça, par exemple, ça te rappelle comme des bons souvenirs l'été? Des souvenirs érotiques. Et puis des souvenirs de vacances? Ben, on allait c'est camper. C'est quoi ton plus bel été, par exemple? On allait camper quand... T'as une minute, que penses-tu? Quand on était plus jeune, on allait camper. On se faisait une tente. On se faisait chauffer des hot dogs sur le feu. Avec qui? Avec des amis? Oui, des amis. Mais on était plusieurs amis. Des fois, dans l'été, on allait dans le bois, on faisait un feu, on discutait ensemble. Où ça? C'est au Nouveau-Brunswick, par exemple. C'est pas ici. Puis, moi, l'été, j'aimais bien, tu sais, comme je t'ai dit, des marches dans le bois, tout ça. J'aime beaucoup la marche. Et ici, à Montréal, l'été, c'est bien? Mais c'est pas pareil. Tu sais, en campagne, on dirait tu respires l'air pur. C'est parce que la ville s'est polluée beaucoup. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et alors, t'as prévu d'aller à la campagne cet été? Pardon? T'as prévu d'aller à la campagne cet été? Je sais pas, ça coûte trop cher. Ben, il y a des endroits pas très loin. Peut-être par Marieville, parce que je suis restée par Marieville. Rue Saint-Jean, je suis rue Richelieu. C'est une campagne. J'ai déjà resté là. Aller voir mes sœurs. Aller dehors, discuter au beau soleil. C'est bien. Et comme... Puis dans l'été, j'aime bien, tu sais, comme... Plutôt de venir m'enfermer, j'aime bien me préparer un lunch. Me mettre comme un couvert. Être assis là. Et comme... Quand tu fais ça, tu vas toute seule en général ou tu fais avec d'autres personnes? Des fois avec une amie, des fois toute seule, parce que j'aime bien me ressourcer. Vous allez toute seule? Vous êtes... Oui, mais j'aime me ressourcer aussi toute seule. Tu sais, j'aime des fois être avec des amis, mais des fois me ressourcer, tu sais, comme faire un vide. Je m'emporte comme un lunch. Et alors cet été, ta fille, elle se marie, c'est ça? En septembre, ma petite fille. C'est pas ma fille, c'est ma petite fille. C'est un mariage gay, par exemple, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas, ça. Ici, à Montréal? À Verdun. Ils vont se marier au bord de l'eau. Oh oui. La campagne. En fait, l'été, c'est un peu comme un synonyme de campagne. Septembre, c'est encore beau. Septembre, c'est beau. C'est comme l'été. Moi, je suis dans septembre, alors. Ben, moi, ça, comme je t'ai dit, c'est un mari. Je t'ai dit, c'est un mariage gay, ça me dérange pas, ça. Parce que je suis comme ouverte, il n'y a rien qui me dérange. Et par exemple. Parce que j'ai trois. Ma petite fille puis mes deux nièces sont là, aux femmes. D'accord. En fait, ça me dérange pas tout. Et tu la connais, sa future femme? Pardon? Tu la connais, sa future femme? Sa future femme, elle? Oh oui, elle est fine. C'est Alex. Alex. Ben, les deux travaillent au IGA ici. C'est le IGA du maire, tu vois. Son fils. Donc, ils ont resté 5 ans, puis ils ont décidé de se marier. Et alors, ça va être l'occasion de se retrouver avec toute la famille? Oui, puis surtout au bord de l'eau, c'est comme à la nature, ça va être le fun. C'est beau, ça, un mariage demain. Super. Il va y avoir beaucoup d'invités. Et par exemple, toi, quand tu es. Mais ça va être le temps de revoir mes. Certaines de mes sœurs. Parce que tu les vois plus? Je ne peux pas parler à deux places. Deux minutes, break. Lui, il a dit que j'ai maladie des couilles, il lui de moi. Mais comme oh, c'est comme si je serais leur mère. C'est vrai, hein? C'est bien. C'est comme si je serais leur maman, c'est vrai. Et est-ce que toi, par exemple, l'été, quand tu étais jeune, tu as voyagé parfois? Ben, je sais qu'en trois ans de ça, en avril, ben, avril-mai. Le printemps y arrivait. J'ai été au Maroc. J'ai visité le Maroc. Ah, comme ça. Mais le Maroc, c'est pas comme ici. Si tu te promènes, tout ça, c'est pas humide comme ici. C'est comme. Il fait beau, mais c'est pas humide. Très sec. Pardon? Très sec. Oui, il n'est pas. S'il n'est pas humide. J'ai été avec ma fille, puis on a visité Casablanca puis Marrakech. Oh, j'ai bien aimé ça. J'ai été dans les sources. Tu sais, comme les sources d'or qui vont. Ah, oh, on a été des machines de fruits, on a visité la mer. J'ai bien eu du fun. C'est ça que je te dis, c'est que c'est. Et c'était il y a longtemps? 3 ans de ça. J'ai bien aimé des. Ben. Des fois, je m'ennuie des autres parce que. Ben, je voulais être avec mes enfants ici. Mais je m'ennuie des autres aussi. Parce que. Ils ont été des bons amis pour moi. Puis, des fois, je. Bien, ma fille le dit que je fais dire allô. Et ça fait longtemps que tu viens ici chez Doris? Ça fait 30 ans. Ah oui? Comment c'est comme si, comment tu dis que j'allais te côté? Je le connais. Mais ça a beaucoup changé. Quoi? Bien, tu sais. Peut-être c'est parce que les femmes ont plus de besoins. Je ne sais pas. Parce que avant c'était pas pareil. Mais peut-être qu'ils ont plus de besoins aussi. Tu sais, comme en 2013, il y a plus de besoins, les coûts de la vie augmentent. Ça doit être pour ça. Et il y a d'autres femmes que tu connais qui sont là depuis longtemps aussi? Quoi? Je connais. C'est celle qui vient depuis plus longtemps. Oui. Oui, puis elle, ça fait longtemps qu'on vient. Puis Suzanne. Suzanne, ça fait longtemps aussi qu'elle vient. Ici. C'est bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais que cet été, là. L'été, là. Hein, tu vas s'en venir. Si je peux. Ben, je vais être un petit peu mieux que je suis là. Doris va faire des activités. Je vais essayer d'aller avec eux autres. Comme je vais essayer d'aller sur la plage. Je ne sais pas nager. Tous les sortiers, ils mettent ici seulement. Oui. Est-ce que tu trouves que l'été. Je vais essayer de changer mes habitudes. Oui, oui, pour changer. Oui. Est-ce que tu trouves que l'été, on est plus heureux que l'hiver en général? Oh oui, dans l'été, c'est beau. Bien, pas quand il pleut. Là. On dirait que plutôt, on est comme. Bien, quand il fait beau, on dirait. C'est comme si on était heureux. We talk about summer. How do you feel about the summertime? I'm very happy towards the summertime. I'm looking forward to it. I hate winter. It's too cold. I hate fall. It's too dark. I like spring and summer. And this is my first time being here. Strapped for cash for the month of May. I got to make my dollar stretch. So I'm coming to Chez Doris for breakfast and lunch. And I find it's helping a lot. And so you were telling me before, but how did you find out about Chez Doris? I found out through CKUT because I have my own radio pro. Well, not mine, but I have a radio show called Radio Moon. It's every third Thursday of the month. And we've been interviewing a lot of people, a lot of organizations that help the people who are mentally ill, people who are on the streets, people who are in social housing, people of all sorts of financial situations. And Chez Doris helps people who are in social housing, and that's my situation. I'm in social housing, and I'm on a social assistance, and that's what Chez Doris helps. And they also help people who are on the streets. They help anyone who needs help. They're there for them. And have you felt welcomed at Chez Doris? Yes, I did. So what is it about the summer that you like especially? Is it how warm it is? Is it how warm it is during the summer? Is that what you like? Yes, I like the heat. Yeah. Toi aussi t'aimes ça? What? The heat. The heat of the summer. La chaleur. Ben oui, non, on est heureux, on se sent bien. On fait n'importe quoi. These activities. What do you like to do in the summertime? Well, I like to do my art, write my poetry, write short stories, because I'm also writing a movie script with my friend, Robert, and we're hoping to finish by the summertime and get it produced. So mostly what you like to do is kind of like productive stuff. Yeah, like productive stuff, but I also like to go sometimes just for a walk, enjoy the sun. And just walk by the old Port of Montreal, look at the view, grab the sun, you know, enjoy life. You said that you write poetry. What do you usually write your poetry about? It can be about anything. I mean, I have a poem about hair. I can even show it to you. Really? Would you want to read it? No. I put it in my file, in my home. But I have If you think you might be here next week, we'll be back and you could bring some of your work and read it on air if you want. Okay. Yeah? Sure, it would be great. And toi aussi, tu peux apporter tes poèmes cette fois. Ouais, je sais que t'as oublié, mais la prochaine fois. L'été aussi, on enlève les vêtements, hein? Il y a moins de linge à porter. There's not clothing. Comme ça, c'est bon. Do you have any plans for this summer? This summer I plan to be with my friends, enjoy life, still always do writing, because writing is an ongoing process. You have to keep writing. If you don't write, you never get better at it, you know? And I also want to enjoy the summer, go out, go walking, do stuff, you know? And also I spend time with my sister Maria. We go to movies from time to time, every Tuesday or twice a week, or not twice a week, once a week or twice a month, you know? Do you like, do you ever go out of the city of Montreal? I used to, but now since I'm on social assistance, no, but I would like to. Do you think maybe in the future you will? Yes, in the future I want to go to Ottawa, Toronto, Boston, New York, and even to Washington. Have you been like outside of Quebec before? Yes, I have. Where did you go? I went to Paris, and I also went to Puerto Plata. Where is that? Puerto Plata is near the Dominican Republic. What did you think of Paris? Were you there in the summertime? I was there during the winter, but over there they don't have winter, you know? And I didn't like it. The food, I thought it sucked. It's not like... You're breaking Clara's heart. The food there is not like the food here. I'm sorry to say, but Parisian food is not for me. It's not tasty at all. And the people, the waitresses, they're rude. They will tell you off. They told me off many times for no reason, calling me cochon de Marique. And it's like, hey, I just ordered my food. I'm being insulted. Like, hey, what is this? That's terrible. Do you find that in general, like the food, like, because a lot of times the food is different, the like summer and the winter time. Like it'll be like there are a lot more. That's part of what I love about summer is there are a lot more like fresh fruits and stuff like that. Do you find that like changes the way, I don't know, the way that you eat or something? Well, I try to eat blueberries every day because I was told it's good for your eyes and it's also good to prevent cancer. It's good antioxidant. So I do enjoy to eat fruits on a regular basis. My diet so far from winter to summer doesn't change. Et toi, Monique, tu changes ce que tu manges entre l'été et l'automne? Si je mange. Mais dans l'été, je mange moins. Je veux dire, je me fais comme j'aime manger comme des sandwichs ou des salades ou des affaires de manger. Les choses froides. Ouais, les choses froides surtout. Do you have questions for each other? I don't know. Sometimes people have more ideas than like what I do. You have a question? Si vous pouvez partir dans un pays, ce serait où? Anywhere. Anywhere in the world? If I had a choice, go anywhere in the world, where would I want to go? I would want to go to Italy. Capri. Why? Because they have the beaches. They also are known for excellent food. I want to taste how good is the Italian food. And see the beautiful landscapes, the architecture, and just see their beautiful city. I feel like something that I love about, I've only ever been to France and Europe, but something that I love about it is there are all these really old things that are just kind of like hanging out, and it's totally normal. It's like, oh, this is from the Roman Empire, and it's just like casually by the side of the road or something. That's something that I love about Europe. Is that like part of what you'd want to see in Italy? Yes. Yeah. The like old like ruins, I guess? The old ruins and the modern city. It's a combination. Yeah. La question, c'était si tu pouvais aller dans un pays cet été, ce serait où? J'aimerais ça aller en République dominicaine. Ah bon? Pourquoi? Mais je sais pas, j'ai vu des photos, j'aime la République. Ou le Maroc. J'ai déjà été au Maroc, ça fait que je connais déjà le Maroc. Pardon? Choisis un endroit où tu n'es jamais allé, découvrir autre chose. Une place que j'aimerais aller, c'est, comme je t'ai dit, en République. J'aimerais visiter le... Comment qu'ils appellent ça, là? La Jamaïque. Ça a l'air, c'est beau. Je n'ai entendu parler, je ne sais pas. Ça a l'air, c'est beau, là-bas. Eh, pareil. Quelle question? Which... She said Italy. Capri. Yeah. Capri. I said Jamaica. Our Republic Dominican, I find it's pretty over there. But one thing when I went there, what I don't like to see is poor people. They really are poor in Puerto Plata. I saw a family washing their clothes in a pothole. A pothole on the street, there was water because it rained, they were washing their clothes. That's so sad. Washing your clothes in dirty water in the road is sad. And then you see like there's shacks that they live in. It's not like our houses that we have here. It's literally plywood, another one on top, and the wind can easily blow it away. You know, it's like, oh, it's so heartbreaking. Et quel est votre meilleur souvenir de l'été? My best summer? Yeah. When was my best summer? I would say when I was young. I was in love, I was in a relationship. It was great. When you're in love, life is beautiful. Okay. And what did you do? What did I do? I went to school. That time I was going to school. I was going to college. I also worked. And I had a love life. I also went to the gym, worked out. I don't know. Love was just pleasant. Okay. I find during that time, during my youth, it was the best. Now I'm 42, so... Thank you. Do you want to add something? Do I want to talk about something? Yeah. I think women here should be taught how to budget. How do you budget? Fais le budget. Ah, okay. Yeah, it's a good idea. Budget of life or everything? Or what? If you're on social assistance, if you're taught how to budget your money, where your money goes, you can make some savings, you know. You can also learn how to make some savings. Oh, yes. She was talking about money. I'm a person who's real careful with her money. I don't spend for nothing. I'm like not like the movie, the man who... I don't spend. I take care. I also treat myself. I like to treat myself to stuff, like to a cafe, or sometimes to a restaurant like Nichols. They have chicken brochette plus soup plus salad, all for $10, which is it was within my budget, you know? Like today, what do you call that? I feel like buying a... Je ne peux pas le dire en anglais. Dis-le en français. Du crabe. Crabe. C'était quoi le mot? C'est du crabe. C'est du crabe. La viande de crabe. Crabe. Crabe. I feel like eating that today. So, for supper, I'll buy that with a. Do you know how I do it? I take a salad, pick a crab with mayonnaise and croissant. That's how I do it. Can you remember a time in your life that has been, like during the summer, that has been like especially good or that was like more difficult? More difficult? I would have to say living with my sister Ola. It was the most difficult time because she's mentally ill and I'm mentally ill. But back then I wasn't diagnosed being mentally ill. I'm only diagnosed being mentally ill maybe 2 years ago. And being with someone who's mentally ill, it's kind of hard. I mean, she was insulting me on a daily basis. And I was not on social assistance, but I had no work, so I had no money. So she told me in the beginning that she's going to help me out, she'll pay for everything. But she wasn't paying for my food at the end, you know? So I had to go to food banks. I had to find, like, where to go. I went to church. I went to the CLSC asking for a social worker. And they told me where to go to get free food. So I'll be going to get free food, like, on a daily basis. Was that, when was this? Like, I guess 2 years ago? This was, like, in the year 2008, 2009, 2010. Do you find that having a diagnosis helps? When you're mentally ill, you do know something's wrong with you. Even when you're not diagnosed mentally, you know something's wrong with you. Like in my case, I knew something was wrong with me, but I didn't know what it was. I couldn't accept that I'm mentally ill, but I knew something was wrong with me, you know? So when I got that diagnosis and I got the medication, proper medication, that helped a lot. Now I'm functioning like a normal person. Et pour vous, est-ce que tu peux penser à un moment dans ta vie pendant l'été ou pendant les autres saisons qui étaient particulièrement difficiles ou faciles? Je pense surtout à, je sais pas, comment? Heureux, ouais. Ou je pense surtout pendant l'été. Je sais pas si le fait de qu'il faisait chaud, qu'il faisait beau, a changé un moment dans ta vie. C'est parce que je me rappelle un souvenir d'été, mais ça fait longtemps de ça. Hein? Qu'est-ce que c'était? J'étais avec mon chum, ben, le gars que j'ai connu. On était au bord de l'eau, à côté de l'eau. En tout cas, on s'est aimés. On s'est aimés. Ah ouais? Haircuts for free here on Fridays from 1 to 2:30. Since I'm strapped for cash in the month of May, I'll be coming here on Fridays to get a haircut. Cool, that's really cool. Just for only for May they're doing that or all the time? I got the schedule for May and it seems as though they're only going to be doing it for the month of May, I guess, because it's on every Friday. That's cool. I guess, I don't know. Oh, wait, that summer, là? In the summer, I like to go on yard sale, you know? They sell things not too much expensive. Like on the street, you mean? Oh, I love that. Yeah. What do I like to do during summertime? Eat ice cream. Oh, yeah? And walk outside. Yeah. Yeah, I like the like ones that they sell out of the cart with like the chocolate on the outside and the nuts. I think those are my favorite. I also like Dairy Queen. Oh, yeah. I don't like Dairy Queen as much. I don't like soft serve ice cream as much. I like the hard scoops of ice cream. I guess, I don't know. Sauf si toi, t'as... No. T'étais là, je t'ai pas aimé. What?